Je vais t'aimer. Si je ne t'aimais point, sensible à tout blâme, j'aspirerais ma chair à briser tous les cœurs. J'aiserais sur la bouche un jour plus de femme qu'une abeille à la lin, un butin à la fleur. Si je ne t'aimais point, je ne rentrerais pas lorsqu'un pacha vite conduit au théâtre, à toute promenade, à campagne, à tes pas, ou désire la main, prévois qu'on s'aime à blâtre. Si je ne t'aimais point, je ne souffrirais pas lorsque de leur douceur les beaux yeux se déparent, et que dès le moment où naissent les lilas, les vacances d'été pour 3 mois nous séparent. Oui, mais tu ne sais trop clairvoyant ta vie. Si je ne t'aimais point, comment je serais là? Et puisque ton sourire est ma raison de vie, si je ne t'aimais point, je n'existerais pas.